À Solange Clésinger, Nohant, 14 octobre 1851. Ma chère enfant, j'irai t'embrasser le mois prochain au plus tard. Jusque-là, je pioche et repioche. Nous rejouons jeudi ma dernière pièce avec un troisième acte tout changé. Je passe les nuits à recopier. Enfin, je suis bien lasse et je déclare que 3 pièces en 6 mois, c'est lourd à faire, quand on les soigne comme je fais. J'ai tiré au clair le cancan dont tu me parlais. Ce n'est pas grand-chose. J'avais écrit à Bocage. Qu'est-ce que c'est que M. Fournier qui me demande une pièce et qui se dit nommé? Or, comme M. Fournier n'était pas nommé, Bocage s'est servi de cette lettre contre lui. Ça m'est égal, mais en le faisant, il aurait dû me le dire. Et je l'ai un peu grondé d'avoir fait penser autre chose de ma part. Après tout, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Tout est expliqué. Seulement, je ne donnerai pas ma pièce au dit Fournier parce qu'il ne veut pas engager les acteurs qu'il me faut et qu'il se sert de divers prétextes, je crois, pour ne pas mécontenter le ministère en faisant ce que je désire. Ça m'est encore égal. J'irai ailleurs. Tu me dis que tu es toujours faible et triste avec cela. En quoi puis-je t'égayer ou t'encourager? La vie est triste, quelle qu'elle soit. Personne n'est heureux ou tranquille dans son coin de bonheur. Tout est mal arrangé, et l'humanité est malade sur toute la ligne. Du chagrin? Cela pleut tous les jours, des grandes et des petites choses, et quelquefois on ne sait d'où. Nous seuls pouvons nous retrancher dans notre patience, ou dans notre rêverie, ou dans notre labeur. La rêverie n'est pas bonne à tous. Il te faudrait du travail, y être forcé peut-être. Je te rabâche qu'il faut t'occuper, mettre moins de ta vie dans des choses frivoles que rien peut détruire, tandis que le travail est toujours là, comme un ami rude, mais fidèle. Au reste, que veux-tu? La jeunesse est certainement un âge en souffrance. On ne peut pas se persuader que certains rêves sont des rêves. Et si tu te creuses la tête autant que je l'ai fait à ton âge, tu n'as pas fini. Je n'ai vraiment commencé à pouvoir vivre que le jour où j'ai travaillé pour vivre. Il y a toujours un certain bonheur domestique qu'on se fait à soi-même, selon les conditions où cela se trouve, car c'est fort varié, les caractères et les existences. Tu m'as dit toujours que ton mari t'aimait, et tout le monde me l'a dit. Ta Nini est charmante et pousse bien. C'est quelque chose. Tu n'es pas laide, tu n'es pas bête. Tu te porterais bien si tu voulais t'en donner la peine. Les plus grands malheurs d'une femme, tu ne les éprouves donc pas. Le reste, c'est comme dit Hyacinthe, une affaire de goût, en parlant de la 5e partie du monde. On n'y est pas forcé. C'est une oasis enchantée qu'on voudrait bien découvrir, mais où les voyageurs n'ont encore trouvé que des serpents ou des sauvages. Si tu as quelque peine intérieure où je puisse te donner quelque force intérieure, dis-la-moi. Si tu sens que ce que je te dirai ne servirait à rien, tâche de la réduire toi-même. Tu n'es pas expansive en général. Tu as peut-être raison. Se confier seulement pour parler de soi ne sert qu'à nous amollir. Bonsoir, ma chérie. Je t'embrasse 1000 fois, ainsi que Maurice. Cela fait 500 pour Nini.